Toujours là pour les autres, très peu pour soi. Tu te sens seul mais nombreux comme dans le clip de Pour ceux. Réveil en sursaut, l'avenir en sursis. Tu tournes en rond comme un tolard dans la coursive. La haine te bousille, l'attise les soucis. Toutes les routes mènent au rhum, t'en connais les raccourcis. Les années passent, se ressemblent et t'endurcissent. Mais t'hésites à quitter cette life, faut la poursuivre. La cicatrice mentale, la psychiatrie je t'en parle. Le cœur s'emballe, les darons trinquent et c'est le petit qu'en bave. C'est pour les petits d'en bas qui cherchent un bus rentable. Malheureusement ça rime avec trafiquant d'armes. Tu traînes en survette LS, au poignet veut la RM. Tu rêves de vacances à LA, mais tout ça c'est dans tes rêves. Tu veux savoir de qui je te parle? Assiste pas, ça fait déjà trop mal d'écrire ce triste bail. Difficile d'être un homme qui colle à ses principes. On sait qu'une seule parole peut blesser, c'est ainsi. La vie un vrai slalom, si tu tombes c'est un signe. Comme Sylvester Stallone, on cache nos cicatrices. Difficile d'être un homme qui colle à ses principes. On sait qu'une seule parole peut blesser, c'est ainsi. La vie un vrai slalom, si tu tombes c'est un signe. Comme Sylvester Stallone, rempli de cicatrices. J'suis qu'un mec qui gratte des phases avec le rap, j'm'évade. Pareil que j'aurais grave des fans et que les erreurs s'effacent. La life te couche même si tu sais te battre. Nos vies s'effritent comme shit dans la feuille au CB. Panam c'est cool, ils ont trop fumé de bar. J'fais de la zig, j'écris en finir obsédé. Même l'oxygène se barre, j'suis confiné, j'rappe. J'ai trop tapé de The Va, j'suis fonce des Delsbar. Sur un amour stérile, le conflit naîtra. Plus rien à foutre des rimes qui profitent des drames. À la télé, ça parle de race comme dans la bouche d'Eric. Au comico, ça parle de grammes pendant que c'est cool des litres. J'vais pas tourner la page, plus rien à foutre des livres. On avance dans le déni, mais tout se clean à la base. On visera tous l'élite comme David à la barre. Au mic, j'ai trop de délits comme Mesrine à la barre. Difficile d'être un homme qui colle à ses principes. On sait qu'une seule parole peut blesser, c'est ainsi. La vie un vrai slalom, si tu tombes c'est un signe. Comme Sylvester Stallone, on cache nos cicatrices. Difficile d'être un homme qui colle à ses principes. On sait qu'une seule parole peut blesser, c'est ainsi. La vie un vrai slalom, si tu tombes c'est un signe. Comme Sylvester Stallone, rempli de cicatrices. Barbès, Tati, Terre-Terre, Azix, Perpète, Assis, A7, Assis, Galère, Tatir, Vide, Bandit, Big Up, La Team, hashtag la crème. Comme après 15 têtes, j'plane, mais j'suis pas Clark Kent. Ma vie un casse-tête, j'braille, j'balance une casse d'aide. A ceux qui flippent que le bigot ramène mauvaise nouvelle. Les plaies ouvertes cicatrisent, mais les problèmes nous guettent. Tu rêves des Caraïbes et d'un cocktail en bord de mer. Un spliff au bord des lèvres, toujours au bord des nerfs. Wesh, ça dit quoi, frérot? Rien de neuf, la grisaille parisienne. La famille, le taf et les sons par dizaines. J'entends des rimes, toutes lèches, notre pire ennemi, nous-mêmes. Biaf, problème d'oseille, comme la clinique, tout saigne. J'retire une latte, tout sèche. Avant de devenir poussière, je regarde mes gosses pousser. Si grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.